بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc on va continuer بإذن الله تعالى dans la lecture de ce livre. ونواصل في الحديث العشرين، 20 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit selon Abu Huraira que Allah n'accepte aucune salat, c'est-à-dire d'aucun d'entre vous, si jamais il en est état d'impureté mineure tant qu'il ne fait pas les ablutions. La salat n'est pas acceptée. Non. Et quand il dit إذا أحدث, le hadith, ça va t'expliquer, Inch'Allah, à la fin du charh. يقول يدل الحديث بمنطوقه أن من لم يتوضأ إذا أحدث فصلاته غير مقبولة أي غير صحيحة ولا مجزئة. Donc ce hadith nous indique que celui qui n'a pas fait les ablutions en étant en état d'impureté mineure, sa salat n'est pas acceptée. Elle n'est pas valide et ne lui apporte aucune récompense. وبمفهومه أن من توضأ قبلت صلاته أي مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة لأن الشارع يعلق كثيرا من الأحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها بترتب الحكم حتى يندم إليها بقية الشروط وحتى تنتفي الموانع. Donc il a dit, on comprend également par ce hadith que celui qui fait ses ablutions, sa salat elle est acceptée. Mais s'il remplit exactement également les autres conditions. D'accord ? C'est-à-dire celui qui fait l'ozo, mais qui remplit les autres conditions de la salat, ça c'est sera accepté. Car on trouve dans les lois de la religion que beaucoup de choses demandent des conditions qui ne sont pas forcément citées dans l'ordre, dans un texte. Tu peux trouver une condition dans un texte, et une autre dans un autre texte, ainsi de suite. Il faut toutes les réunir pour que l'acte soit rendu valide. Par exemple, l'ozo, de base, si tu fais la salat avec l'ozo, la salat est acceptée si tu remplis les autres conditions, comme par exemple avoir ta aura qui est couverte, ou également le temps de la salat il est rentré, et ainsi de suite. D'accord ? Ce n'est pas seulement l'ozo qui compte. Mais s'il y a l'ozo et les autres conditions, alors ta salat est acceptée, biznillah. Donc il faut remplir toutes les conditions requises et que tous les interdits et les empêchements soient absents. قال وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم لأن العبادة التي تحتوي على أمور كثيرة كالصلاة مثلا لا يشترط أن تجمع أحكامها في كلام الشارع في موضع واحد بل يجمع جميع ما ورد فيها من الأحكام. Donc il a dit, ça c'est une règle sur laquelle il y a unanimité entre les savants, que toutes les conditions pour un acte doivent être réunies pour que cet acte soit rendu valide. Et qu'il n'est pas une condition en soi que ces conditions soient toutes réunies en un seul et même endroit, comme on l'a expliqué tout à l'heure. D'accord ? Les ahadiths de la salat, qui montrent les conditions et ses piliers, ne sont pas forcément tous réunis ensemble. Mathalan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لا تقبل صلاة أحدكم إذا لم يقرأ بأم الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. Qu'il n'y a aucune صلاة qui soit acceptée si on ne récite pas le Fatiha. Par exemple. Ça, c'est une condition de la salat. Ou plutôt un pilier de la salat, on va dire. D'accord ? Et ce hadith, il est venu indépendamment des autres. Il est tout seul. Donc maintenant, quelqu'un qui fait l'ozo, mais il ne récite pas le Fatiha dans sa salat. Est-ce qu'elle a accepté ? Non. Donc ça veut dire qu'il faut réunir tous les hadiths et tous les versets, toutes les preuves qui indiquent les conditions requises pour la salat ou pour le siyam ou pour autre. D'accord ? Il faut aller les piocher là, par là, les réunir. C'est le travail que les ulama ils ont fait déjà. Et ensuite, de là, tu pourras savoir quelles sont les conditions requises et quels sont les empêchements. Mais il faut tout réunir comme preuve et pas se contenter d'une seule preuve, mais toutes réunies. يقول فتؤخذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام. Donc il faut réunir toutes les preuves qui sont éparpillées, dispersées dans différents endroits. Et ça, c'est le grand travail que les gens du fiqh, les juristes, ils ont fait. Par exemple, ils ont pris plein de hadiths, ils les ont réunis dans le même chapitre pour que la personne puisse comprendre. Par exemple, on prend Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, dans un chapitre, a réuni plein de hadiths de différents sahaba, de différents rapporteurs, avec différentes chaînes de narration, mais qui sont toutes authentiques selon ses conditions. Et il a tous mis en même endroit pour faire un chapitre, pour un sujet, pour un thème. Comme ça, ça les facilitait pour le lecteur de savoir tout ce qui était réuni dans telle question. D'accord ? Ainsi de suite. Dans la salat, dans la zakat, dans le hajj, dans le siyam, et dans plein de règles de la religion. Dans les kutub de fiqh, tout est réuni ensemble par thème, avec les différentes preuves. وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم فلهم في ذلك اليد البيضاء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. Donc de là, l'auteur fait un dua pour les fuqaha, les juristes qui ont fait un grand travail de compiler tous les hadiths et tous les athars et tous les versets en différents chapitres dans leurs livres pour pouvoir faire des thèmes complets. يقول وهذا الأصل ينبغي أن نعتبره في كل موضع وهو أن الأحكام لا تتم إلا باجتماع شروطها ولوازمها وانتفاء موانعها. Il dit là c'est un fondement que l'on doit prendre en considération dans chaque sujet, que les règles ne peuvent être complètes que lorsqu'on a réuni toutes les conditions et également que tous les empêchements soient absents. Pour que l'on puisse dire telle chose, par exemple la salat, on doit connaître toutes les preuves qui indiquent quelles sont ses conditions, toutes les preuves qui indiquent quels sont ses piliers, toutes les preuves qui indiquent quelles sont ses obligations, et toutes les preuves qui indiquent quelles sont les choses qui l'annulent. Et de là, on peut savoir quand faire la salat. Et ça, c'est pour tout sujet. Il faut connaître tout ce qui est demandé pour pouvoir dire quand tu as rempli ces conditions-là et que tu as évité les empêchements, alors tel acte que tu as fait, il est valide. Selon nous, et à l'apparent, bien sûr. Après, Allah, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Taïb. Après, il dit, « Wal hadith yashmal jami' nawaqid al-wudu. » Donc maintenant, le hadith, c'est quoi d'être en état d'impureté mineure? Le hadith, comme on dit, c'est tout ce qui amène à annuler les ablutions. « Fayatrulu fihi kharij min as-sabilayn wa an-nawm an-naqid al-wudu. » والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجسا وأكل لحم الإبل ولمس المرأة لشهوة ولمس الفرج باليد وفي بعضها خلاف. Donc il a dit, cela concerne, maintenant c'est quoi les choses qui annulent les ablutions? Il dit, مثلاً, tout ce qui sort des deux orifices, ce qui sort de devant ou de derrière, ça annule l'oseau. D'accord? Par exemple, aller au sel, ça annule l'oseau. Aller uriner aux toilettes, ça annule l'oseau. Et également, ce qu'on a des gaz qui sortent par l'orifice postérieur, ça annule l'oseau. Ou les femmes qui ont leur menstrue, ça annule l'oseau. Ou l'homme qui aurait éjaculé, ça annule l'oseau. Ou l'homme qui aurait le liquide pré-éjaculatoire, là, le liquide qui sort, à chaque fois j'oublie comment il s'appelle mazi en arabe, ce liquide visqueux un peu transparent chez les hommes, ça annule l'oseau. Tout ce qui sort du pénis, ça annule l'oseau, et pour la femme, tout ce qui sort du vagin, ça annule l'oseau. Et tout ce qui sort casalique de l'anus, ça annule l'oseau. D'accord ? C'est ça qu'on dit kharij sabilayn. Et il dit également, le sommeil profond, ça annule l'oseau. Et toutes les choses impures qui sortent du corps, ça annule l'oseau. Il ne donne pas d'exemple. Je ne sais pas quel exemple qu'il y a qui, hormis, peut-être qu'il fait allusion au sang. Parce qu'il y a des ulama qui disent que le sang, c'est une impureté. Et il y a même ces salafs, il y avait unanimité, et ulama a dit que cette unanimité n'est pas basée sur un dalil. Donc il y en a, ils voient que le sang, hormis bien sûr le sang impur, comme le sang des lochis pour la femme, ou le sang des menstrues pour la femme, mais que le sang, par exemple, demain tu te coupes avec un couteau ou quoi, ils disent que ce sang-là n'est pas une impureté. Et d'autres disent si. Par exemple, également parmi les annulatifs de l'odo, manger de la chair de chameau. Lui, il cite le fait de toucher une femme avec désir. Et ça, c'est un enquête de l'odo qui n'est pas authentique en réalité, ça n'annule pas l'odo, toucher une femme, avec ou sans désir. Sauf si ce contact amène à faire sortir, comme on l'expliquait tout à l'heure, le mazi, ce liquide qui sort chez les hommes. Si là, ce liquide y sort, alors le dos il est annulé. Mais pourquoi? Pas par le contact, mais par la sortie de ce liquide. Également de toucher le sexe avec la main droite, ou même la main de façon générale. Non. C'est pour l'homme ou pour la femme. Ça annule le dos. Et il dit, il y a certains de ces annulatifs dans lesquels il y a divergence. C'est vrai. Comme par exemple, lui, s'il a cité le fait de toucher une femme. D'accord, il y a une divergence. Et la vie authentique, c'est que toucher une femme n'annule pas le dos. Et également, manger la viande de chameau. Il y a des ulama qui disent qu'il y a une divergence. Mais la vie authentique, c'est que manger de la chair de chameau, ça annule l'ozo. Et le sang, aussi, on l'a dit tout à l'heure, le sang, il y a une divergence. Est-ce que c'est une impureté ou pas? Et là, on parle du sang qui, à la base, n'est pas une impureté connue, comme le sang des lochis et le sang des monstrues. Non. Donc c'est ça le hadas. Ces choses-là qui annulent les ablutions. D'accord? Donc on le répète, tout ce qui sort des deux orifices, devant ou derrière, le sommeil profond, également, il n'a pas cité la perte de raison. La perte de raison, ça annule les ablutions. Par exemple, quelqu'un qui tombe dans les pommes, ou même quelqu'un qui devient ivre, cela annule ses ablutions. Manger de la chair de chameau, ça annule les ablutions. Et se toucher les parties, se toucher le sexe, ça annule les ablutions également. Un contact direct avec la main. Naam. Yakoul. فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتى يتوضا الوضوء الشرعي فيغسل الاغداء التي نص الله عليها في سوره المائده مع الترتيب والمواله او يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعمال الضرر لاستعماله الضرر donc il a dit celui qui tombe dans ses annulatifs, d'accord, alors sa salat ne sera pas valide tant qu'il n'aura pas fait ses ablutions, de façon légiférée. C'est-à-dire qu'il lave tous les membres concernés, ces membres qui sont cités dans les textes, comme dans Surat al-Ma'ida, la table servie, dans les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les faire dans l'ordre et les faire les uns à la suite de l'autre. Dans l'ordre et les uns à la suite de l'autre. Ou également, de faire les ablutions sèches, le tayammum, lorsqu'on n'a pas d'eau, ou lorsque l'utilisation de l'eau peut nuire. D'accord, à ce moment-là, les ablutions sèches sont légiférées. Yaqul, wa fi hadha dalilun ala annahu law salla nasiyan aw jahilan hadathahu fa alayhi al-i'ada li'umum al-hadith wa muttafaqun alayhi. Donc il a dit maintenant, cela prouve que celui qui ferait ses ablutions, ou plutôt la salat, en ayant oublié qu'il n'est pas en état de purification, quand il s'en rappelle, la salat, il doit la recommencer. Obligatoirement. Car elle n'est pas valide. Il n'aura pas de péché sur lui, car il n'aura pas fait exprès. Cependant, cette salat lui sera toujours comptée comme étant redevable. Il devra la faire quand même. Et même si le temps est sorti, et ainsi de suite, il s'est rappelé que la salat, il n'a pas fait avec sa purification, et il s'en est rendu compte, il doit la recommencer. Obligatoirement. Naam. Par contre, celui qui viendrait avoir, il cite l'auteur, une impureté sur lui, sur son vêtement par exemple, il ne s'en est pas rendu compte, sinon après la salat, il n'a pas à la recommencer. Par exemple, quelqu'un, il a touché de l'urine avec son vêtement, sans s'en rendre compte, il fait salat, et ensuite, après avoir fait salat, il se rend compte qu'il y a de l'urine sur lui. Et bien lui n'a pas refaire la salat. Car là, ce n'est pas lié à sa purification à lui-même. Là, c'est son vêtement. Et il y a une preuve qui est venue quand le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, une fois a fait salat avec ses ni'al. Et en pleine salat, il les a retirés. Et les sahabas également ont retiré leur ni'al, leurs chaussures. Et à la fin, il leur a dit, pourquoi avez-vous retiré vos chaussures pendant la salat? Ils ont dit, parce que toi, tu les as retirées. Il dit, parce que Jibril m'a informé que mes chaussures avaient des impuretés, des saletés en dessous, donc je les ai retirées. Donc vous voyez, en pleine salat, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu compte qu'il avait une impureté sur lui, et il n'a pas recommencé la salat. Donc ça, c'est une preuve. Ou quelqu'un, par exemple, qui fait salat, et se rend compte que pendant la salat, une partie intime à lui était découverte. D'accord? Mais pareil, il continue sa salat, il n'a pas à la recommencer. Car ça, ce n'est pas une purification liée au corps direct. Mais ça, ce sont des règles, là encore, qui demandent une étude de la question, et là, n'est pas le sujet. Taïe. Donc de là, on a fini ce hadith. Et là, on prend le 11e hadith. Al-Hadi wa al-Shurun. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون من الفطرة: قص الشارب، وإحفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحرق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. وقال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون مضمضة. رواه مسلم. Selon Aïcha, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a 10 choses qui font partie de la nature saine, ce qu'on appelle fitra en arabe, la nature saine, la nature première de l'homme. Il a dit, se tailler les moustaches, ça c'est pour les hommes. Laisser pousser la barbe, ça c'est pour les hommes. Estiwak, ça c'est pour tout le monde. Estinshak al-ma, c'est le fait d'inspirer l'eau dans son nez lors des ablutions. Ça, c'est pour tout le monde. Waqas al-asfar, se couper les ongles. Ça, c'est pour tout le monde. Et se laver les phalanges. Ça, c'est pour tout le monde. Et s'épiler les aisselles. Ça, c'est pour tout le monde. Et harq al-ana, ça, c'est se raser les poils pubiens. Ça, c'est pour tout le monde également, l'homme comme pour la femme. Et également l'istinja. L'istinja, c'est la petite toilette que l'on fait après avoir été aux toilettes. Lorsque son rein, les parties intimes, les parties qui ont été touchées par les excréments, c'est le rincer avec de l'eau ou avec des pierres comme cela va venir. Ça, c'est pour tout le monde également. Et là, on a cité combien? Ça fait 9. Car le rapporteur a dit, j'ai oublié quelle était la 10e. Il a dit, et je pense que c'est la madmanda. La madmanda, c'est lorsque dans les ablutions, on met l'eau dans la bouche et qu'on la remue, qu'on lave la bouche. C'est ça la madmanda. Donc là, ce sont les 10 choses de la fitra. Et là, tambih, c'est qu'il y a un autre hadith qui est venu, qui a 5 choses. 5 choses font partie de la fitra. Et elles sont différentes de celles-ci pour certaines. Dans les 5 choses, il cite, pareil, se tailler la moustache pour les hommes, laisser pousser la barbe pour les hommes, se couper les ongles, d'accord, se couper les ongles, se raser les poils pubiens, et également la circoncision. La circoncision. Al-Khitan. Et cette circoncision, elle est pour les hommes comme pour les femmes. Sauf que pour les hommes, elle est obligatoire, selon la vie authentique. Et pour les femmes, elle est recommandée. Et la circoncision pour les femmes, ce n'est pas comme pour les hommes, et ce n'est pas celle qu'on veut nous faire croire. C'est ce qu'on appelle excision, qui revient à couper le clitoris. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas une chose qui est légiférée. Que beaucoup de gens font, ils ont pris comme coutume de le faire, et que les gens dans le monde pensent que c'est cela que la femme doit faire, et que cela est un acte barbare, comme ils disent. Ce n'est pas ça la circoncision pour la femme. Mais pour la femme, c'est quoi? C'est couper une légère partie des lèvres de leur vagin. Une légère partie. Un truc vraiment infime. Infime. D'accord? Tout comme l'homme, on coupe la partie pendante de la peau qui dépasse du gland. Et ça, la circoncision. Et la femme, elle, c'est couper une petite partie des lèvres, c'est-à-dire la partie externe de son vagin. C'est ça, ce sont des sujets qui peuvent paraître gênants, mais il faut en parler. Car c'est des choses qui sont importantes. C'est ça la sunna. Quand on fait de couper le clitoris, ça, ce n'est pas une chose qui est légiférée. Et ça, c'est priver la femme d'un droit qu'elle a lors des rapports, qui lui procure son plaisir à elle aussi. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui n'est pas légiférée de faire cela, et ce n'est pas ça la circoncision de l'islam. C'est une chose que les gens, ils ont inventé d'eux-mêmes. Donc, bien faire attention à cela. Tayyib. Donc, il dit, الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم مفتورين عليها على محبة الخير وإثاره وكراهة الشر ودفعه وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه. Donc c'est quoi la fitra maintenant? Cette nature première, c'est celle sur laquelle Allah Azza wa Jalla a créé les hommes, les serviteurs. C'est des choses qui sont en nous, qui sont innées en nous. Voilà, on dirait comme ça, c'est inné en nous. Comme le fait d'aimer le bien et de ne pas aimer le mal. Et d'avoir été créé à la base sur le tawhid, c'est-à-dire prédisposé à adorer Allah seul avant que les gens ne viennent corrompre notre croyance par des choses mensongères. L'homme, à la base, quand il naît, l'enfant, si tu le laisses, il va adorer Allah seul. Et il va accepter cela directement, sans contester et sans protester. Et il le fera avec sincérité. D'accord? C'est seulement en grandissant que c'est là que ses parents le dévient de la voie sur laquelle Allah Azzawajal l'a créé. Mais à la base, on écrit sur le tawhid. Voyez, on écrit sur le tawhid. Yaqul wa ja'ala Allah ta'ala shara'i' al-fitra naw'ayn. Et que justement, les règles de cette fitra, de cette nature première, elle est de deux catégories. La première, c'est celle qui consiste à purifier le cœur. Wa huwa al-iman billah wa tawabi'uhu min khawfihi wa raja'ihi wa mahabbatihi wa al-inabati ilayhi. Donc la première, c'est purifier le cœur. Cette fitra première qui elle est liée à la croyance. Et que cela se fait par la foi en Allah et tout ce qui s'y raffilie, qui s'y affilie, qui s'y rattache. La foi et tout ce qui s'y rattache. Comme le fait d'avoir peur d'Allah Azawajel, d'espérer d'Allah Azawajel, d'aimer Allah Azawajel, de revenir vers lui, subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, c'est la fitra qui, elle, est liée à la purification du cœur. Et les choses qui y aident sont les adorations que l'on fait. Comme la salat, comme le siyam, comme tout. Toutes ces choses-là aident à purifier le cœur et à le laisser sur sa nature première sur laquelle il a été créé. Non. Et cette nature première, de base, nous fait détester les choses insalubres et les choses indécentes et les choses mauvaises. On n'aime pas cela. Bien qu'aujourd'hui, maintenant, les gens ont dénaturé les hommes. La nature de la femme a été dénaturée et celle de l'homme a été dénaturée. Et maintenant, ils commencent même le travail sur les enfants, le dénaturant depuis leur enfance, en leur faisant accepter des choses qui sont à la base inacceptables et inhumaines, comme vous le savez. D'accord ? Donc, l'homme, de base, est créé pour aimer ces choses-là. Les choses qui sont liées à la nature première. والنوع الثاني ما يعود للتطهير الظاهر ونظافته ودفع الأوساخ والأقذار عنه. Et la deuxième forme de nature première, c'est celle qui consiste à purifier tout ce qui est apparent et la propreté. Et repousser les choses qui sont sales et insalubres. Et celles-ci sont de 10, celles qu'on a citées dans le hadith. Et qui aident également à perfectionner la religion. Et tout revient à la propreté. Tout cela, ce qu'on a cité dans le hadith au début, revient à la propreté, la réelle propreté. Naam. يقول فأما المضمضة والاستنشاق فإنهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكبر بالاتفاق. Donc maintenant la مضمضة qui est le fait de rincer la bouche, l'استنشاق qui est le fait de rentrer l'eau dans le nez et de la ressortir, ce sont des choses qui sont à accomplir lorsque sont purifiées pour l'impureté majeure ou mineure, c'est-à-dire la janaba ou les situations qu'on a citées dans le hadith précédent, الحدث. À ce moment-là, quand on fait l'ozo, ces deux actes sont obligatoires. La mazmada et l'estinchaq. Et cela fait partie de la nature première. Donc même quand on fait le rous, le janaba, lorsqu'on se rince, on se lave pour la janaba ou la femme qui a eu ses menstrues et autres que cela, et ben, lorsqu'on fait le grand rous, le grand nettoyage, il est obligatoire de faire la mazmada et de faire l'estinchaq. De se laver la bouche et mettre l'eau dans le nez. Quant au fait de faire les ablutions, ça c'est une chose qui est sunna recommandée. Et laver tout le corps, ça c'est une chose qui est obligatoire. Mais il est également obligatoire de se roussel, au minimum, de se faire l'estinchaq, rentrer l'eau dans le nez et la ressortir, et de se rincer l'intérieur de la bouche. Naam. Ensuite, amma qas al-sharib wa hafuhu hatta tabdu al-shafa. Ensuite, il y a le fait de se tailler les moustaches pour les hommes. C'est-à-dire que la moustache ne dépasse pas sur les lèvres. D'accord ? La moustache reste au-dessus des lèvres, que la lèvre soit apparente. Et certains disent qu'il est permis de la tailler, de la raser totalement. Et ça, c'est parmi les choses qui aident à la propreté. Car la moustache, elle, peut regrouper des saletés qui tombent dans la bouche par la suite. Et également, cela est une chose qui nous permet de nous différencier des koufars, qui, eux, à la base, laissent pousser leur moustache. Naam. Et il dit par rapport à la barbe, l'obligation de se laisser pousser la barbe, ça c'est parmi la fitra, la nature première, que l'homme il est barbu. Et normalement, se laisser pousser la barbe est une chose qui fait partie de la fitra. C'est une chose qui est innée en nous, qu'on doit laisser faire. D'ailleurs, vous verrez que les religions de base antérieures étaient unanimes sur la barbe. Vous voyez, les Yahouds, les Juifs, ils ont la barbe. Et les chrétiens de barbe, de base, ils ont la barbe. C'est eux qui se la rasent maintenant. Sinon, ils ont la barbe. Et regardez, quand ils font des représentations des hommes, auparavant, des hommes liés à la religion, ils sont tous barbus. Même quand ils te font ils te représentent, selon eux, Jésus, regarde à quoi ils ressemblent. Quand ils font des films dans lesquels ils font des prophètes, qu'ils soient Nour, que ce soit Moussa ou autre, ils ont tous des barbes. Car c'est une chose qui est connue. D'accord ? Que la barbe, c'est une chose qui fait partie de l'homme. Et le shir dit que la raser, cela vient à se... sans les dire. Et à contredire la nature première de l'homme. Car cette barbe est une parure, est une beauté pour l'homme. Même quand il vieillit, la barbe embellit l'homme. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont dénaturé l'être humain et font croire qu'un homme qui est rasé est plus beau. Sinon, ce n'est pas vrai. Et les ulama disent que se raser la barbe rentre dans deux grands péchés. Le premier, ressembler au kuffar. Car le Nabi Sassam, il a dit « Khalifu mushrikin, urfu liha wa kusul shawarib ». Il a dit quoi le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ? Contredisez les mouchilikoun, les polythéistes et les koufars, laissez pousser vos barbes et taillez-vous les moustaches. Car des gens vont dire, mais les koufars, il y en a qui ont des barbes. On dit, non, mais qui se rase la moustache parmi eux ? Aucun, sauf nous. Donc ça, c'est de un. Et de deux, se raser la barbe, comme le dit Sherben Bez et d'autres savants, c'est une chose qui fasse que l'homme ressemble à la femme. Et c'est pour ça que le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a dit, la'anallahu, la mutashabihin rijal bin nisa. Que Allah a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes et les femmes qui ressemblent aux hommes. Donc, la barbe est une marque de virilité. Après, on sait qu'il y a des hommes qui sont imberbes. Ils ont été créés comme ça. Vous voyez, il y en a beaucoup, mais c'est une chose qu'Allah a voulu pour eux. Tout comme il y a des femmes, malheureusement, pour elles, et c'est une épreuve, elles ont des barbes. Ça existe. Naam. Mais c'est une chose qui sort de la normale. Mais par contre, la femme qui est barbue, elle, c'est permis qu'elle se rase. Par contre, le jugement n'est pas valable pour la femme. Donc il dit que l'homme, lorsqu'il vieillit, là je traduis directement, avec sa barbe, il garde toujours une certaine prestance et du charisme et une élégance, contrairement à la femme qui, lorsqu'elle vieillit, elle n'a pas cette marque en plus qui lui permet de garder une certaine beauté. En vieillissant, la femme perd de sa beauté. Alors que l'homme garde toujours quelque chose de charismatique par sa barbe. C'est une réalité également. Cependant, les gens qui diront non sont des gens dont la nature première a été dénaturée, elle a été corrompue. Et regardez même aujourd'hui, la botte de la barbe, elle revient chez les koufars. Plein de gens aujourd'hui ont des barbes parmi les koufars. D'accord ? Non. Yaqul amma qas al-asfar wa naft al-ibt wa ghusl al-baradim wa yamutawi. Donc maintenant, quant au fait de se couper les ongles et de s'épiler les aisselles et de se laver entre les phalanges, les doigts, cela, c'est des choses qui sont liées aux mains et également aux bras. Vous savez, par exemple, les aisselles, c'est un endroit où il y a des odeurs qui sortent. Et lorsqu'on se les rase, ou plutôt on les épile, il y a moins d'odeurs. Et c'est également valable pour les poils pubiens, les poils au niveau des parties intimes. Cela amène à des odeurs, et ça, cela regroupe des saletés. Donc, se les raser, c'est une chose qui amène à la propreté. Et il est permis d'en avoir jusqu'à une durée de 40 jours. Comme se couper les ongles. C'est une chose qui est permise, c'est-à-dire ne pas croire qu'avoir des ongles qui poussent, c'est-à-dire que tu es dans le haram directement, non. Mais ce qui est interdit, c'est de laisser dépasser une période de 40 jours. Au bout de 40 jours, il faut les couper obligatoirement. Et au bout de 40 jours, les poils pubiens, il faut les raser obligatoirement également. Non. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maladies ou des problèmes par rapport à ces poils. Et il dit wa amal istinja wa izalat al kharij min as-sabilayn bima wa hajar. Fa huwa lazim wa shart min shurut at-tahara. Et l'istinja, c'est quoi l'istinja ? C'est le nettoyage des parties intimes après avoir été aux toilettes. Lorsqu'on a uriné par exemple, on se rince avec de l'eau. Ou lorsqu'on était au sel, on se rince avec de l'eau. D'accord ? Et il n'est pas permis à l'homme de se tenir le pénis par la main droite lorsqu'il urine. Et l'estinja, à la base, il y a des gens, ça les écœure, mais pourtant, c'est une réalité. On le fait directement avec la main gauche. On se rince avec de l'eau de la main gauche. Et aussi étrange que cela puisse paraître, cela est venu dans la législation, donc c'est une chose qui est légiférée, et qui c'est ça la propreté en réalité. Car même quand les gens ils utilisent du papier toilette, le papier toilette, ce n'est pas assez propre. En réalité, ça ne vaut pas l'eau. L'eau, ça enlève complètement les saletés. Concrètement, le papier toilette, ça enlève et ça l'étale. Combien de gens se lavent avec du papier toilette et pourtant ils ont encore des traces par la suite. Alors que l'eau, avec l'eau, non, normalement, il n'y a plus rien qui reste. Et ta main, tu la laves par la suite. Tu as fini et tu te laves les mains. D'accord ? Tu te laves les mains. Donc il n'y a rien de sale, rien d'écœurant. Et c'est ça la sunna. Et cette sunna, également de l'istinja, on peut le faire avec des pierres. Ça, c'était à l'époque lorsque les gens faisaient leurs besoins dehors, ils se nettoyaient avec des pierres. Et il faut le faire avec un nombre impair. Et minimum 3. Parce qu'en dessous de 3, tu ne seras pas nettoyé comme il se doit. Donc 3 fois, 5 fois, 7 fois, 9 fois, ainsi de suite. Tant que le besoin se fait sentir, tu continues à te nettoyer. Mais rien ne vaut l'eau. Et se nettoyer au papier hygiénique, cela est permis. Mais cela n'est pas aussi précis que l'eau. Et aussi efficace que l'eau. L'eau reste le meilleur. D'accord ? Donc voilà. Hada khulasa ma khazna al-youm. Il y a une autre partie du charh, mais Inch'Allah, ce qu'on a dit suffira pour ce ders. Bi'iznillah ta'ala. En espérant que cela a été clair pour les gens. On a ktafi bi'hada al-qadr. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.